On n'a rien à gagner, mais tellement à perdre. Encore combien d'années avant d'être enseveli sous terre. Tant de roses fanées, encore si peu de choses à faire. J'apporte pas la paix, j'ai aucun message de l'enfer. On veut tous être pardonnés, mais on fait rien pour l'être. On veut rien donner, mais tout prendre en se persuadant d'être honnête. On dit qu'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution. J'ai les réponses, mais je me pose toujours les mauvaises questions. Entre guerre et paix, j'ai la gorge nouée. À force, on ne sait plus à quel saint se vouer. Entre guerre et paix, j'ai la gorge nouée. À force, on ne sait plus à quel saint se vouer. Entre guerre et paix, j'ai la gorge nouée. À force, on ne sait plus à quel saint se vouer. Quel sens se vouer. On n'a plus rien à chanter, des slogans à hurler. Vois-tu ce monde changer, on n'a plus que des hymnes à huer. On cherche tous la paix, malheureusement par la guerre. Et si seulement le meilleur des mondes ne se trouvait pas sur cette terre. On s'accroche à ce qu'on a, un tout éphémère. De toute façon c'est comme ça, est-ce qu'avec une deuxième vie on ferait mieux? Trop d'écho, ça nous tue. On ne voit que par soi, triste constat, mais pas vraiment de quoi s'inquiéter mis à part ça. Entre guerre et paix, j'ai la gorge nouée. À force, on ne sait plus à quel saint se vouer. Entre guerre et paix, j'ai la gorge nouée. À force, on ne sait plus à quel saint se vouer. Entre guerre et paix, j'ai la gorge nouée. À force, on ne sait plus à quel saint se vouer.